Mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle. Je parle à mon bonnet. Et moi, je peux rien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de me dire les avaricieux? Non. Je t'empêcherai de chasser et d'être insolent, hein? Et toi? Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Que ce soit morveux, qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui! Malgré-moi! Tenez. Voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Alors, rends-le-moi sans te fouiller. Quoi? Ce que tu m'as appris. Je ne vous ai rien appris du tout. Assurément? Assurément. Adieu. Attends à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience, au moins. Pandard, des valets qui m'incommode fort. Je me plais point à avoir ce chien de boiteux-là. Certes, c'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Bien heureux qu'à tout son fait bien placé, ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cage fidèle. Car pour moi, les coffres-forts me sont suspects, je ne veux jamais m'y fier. Et je les tiens justement une franche amorce à voleur, et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus en or chez soi est une somme assez. Au ciel, je me serais trahi moi-même. La chaleur m'a emporté, je crois que j'ai parlé haut en résonnant tout seul. Tess! Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là! Quoi? Ce que je viens de dire! Si fait, si fait. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez, oui, quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qu'il peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers et vous imaginer que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons pas dans vos affaires. Tout à Dieu que je les eusse, 10 000 écus. Je ne crois pas que... Ce serait une bonne affaire pour moi. Ce sont des choses... J'en aurais bon besoin. Je pense. Cela m'accommoderait fort. Vous êtes... Mais je ne me plaindrais pas comme je fais que le temps... Et misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? J'ai assez de biens. Ce qu'ils disent, on l'a menti, y a rien de plus fou. Et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits. Oh, ne vous mettez pas en colère! C'est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Pareil discours, les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours on viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quelle? Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage à vous promener par la ville? Je corrélais hier votre sort, mais c'est encore pis, voilà qui crie vengeance au ciel et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête, tu aurais là de quoi faire. Une bonne constitution, je vous l'ai dit 20 fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement la grande marquise. Pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérobez? Que sais-je? Vous pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Et c'est fort mal fait. Et si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter, mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour. Eh, je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête? Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher un autre chose? C'était bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques. Parce qu'on peut porter des cheveux de sang cru qui ne coûtent rien. Et vous gagez qu'en perruque et ruban, il y a du moins 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par année 18 livres, 6 sols, 8 deniers. Ça ne les placer qu'au denier douce. Vous avez raison. Bon, laissons cela. Et parlons d'autres affaires. Et je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Je veux dire ces gestes-là. Nous marchons dans mon frère et moi, qui parlera le premier. Nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire, à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. C'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Mon père ? Pourquoi c'est écrit ? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur ? Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon dont vous pouvez l'entendre. Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Et... pour commencer par un bout, avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne, et qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai, oui, parlé. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Sa physionomie? Tout honnête et pleine d'esprit. Son air et sa manière. Admirable, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songe à elle? Oui, mon père. Que ce serait un parti souhaitable. Très souhaitable. Elle a toute la mine de faire un bon ménage. Sans doute. Et qu'un mari aurait satisfaction. Avec elle. Vraiment. Il y a une petite difficulté. C'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Et mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, la famille, pardonnez-moi. Non, ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Ça s'entend. Enfin, je suis bien heureux de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolu de l'épouser. Bon, j'y trouve quelques biens. Comment ? Vous êtes résolu, dites-vous ? Eh oui, d'épouser Marianne. Si, vous. Eh oui, moi, que veut dire cela? Il m'a pris tout à coup un éblouissement et je me retire d'ici. Ça sera rien, allez vite dans la cuisine boire un grand verre d'eau claire. Et voilà de mes damoiseaux flouets qui n'en ont plus de vigueur que des poules. C'est là, ma fille, que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme ? Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père. S'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, que je veux que vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Et je vous demande pardon. Ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Si votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez. Et dès ce soir. Dès ce soir? Oui, dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Ça sera, ma fille. Non. Si. Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Oh, tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace. A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte?

Et cet article-là vaut plus de 4000 francs par an de non. plus. Elle a une aversion horrible pour le jeu. Ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Ah, ouais. J'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons rien que le cas. 5 000 francs au jeu par an, 4 000 francs d'habits et bijoux, ça fait 9 000 livres. Mmh. Et 1 000 écus que nous mettons pour la nourriture. Faut-il pas parrainer vos 12 000 francs, bien compté. C'est pas mal. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi. N'est-ce pas quelque chose de bien réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété? L'héritage d'un grand amour de simplicité de parure. Et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu. C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu. Vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien. Dont vous serez le maître. Et il faudra voir cela. Mais Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Elle a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Oui, elle, oh, je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est pas plus ravie, dit-elle, que quand elle peut voir un beau vieillard. Avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Elle vous avertit de n'aller pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Il n'y a pas 4 mois encore qu'elle est en prête d'être mariée à Rompinette le mariage. C'est ce que son amant fit voir qu'il avait 56 ans. Et qui prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui. Elle dit que c'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour les nez. Qui porte des lunettes. Et certes, tu me dis là une chose, mais toute nouvelle. Ça va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux, quelques estampes, mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Paris, des Céphales et des Apollons? Non! De beaux portraits de Saturne, des rois Priam. Du vieux Nestor et du bon père Anchise sur les épaules de son fils. Oh, cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Je le crois bien. Voilà la belle drogue que des jeunes gens pour les aimer. Ça sent de beaux morveux, de beaux godelureaux pour donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir les ragouts, il y a à eux. Pour moi, je n'y en comprends point. Je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle fiefée. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. Sont-ce des hommes que Jeanne Blondin? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours avec leurs tantoulets et leurs trois petits brins de barbe. Relevés en barbe de châle, leurs perruques doubles, leurs rechouches tout tombant. Il reste mal, des bailles et tout. Et voilà qu'est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme. Il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien?

puisque vous le voulez. Je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous. Qu'on nous jette de tous côtés sans brocard à votre sujet. Et qu'on n'est point plus ravis que de vous tenir au cul et aux chausses et de faire sans cesse des comptes de votre lésine. Lundi que vous faites imprimer des almanachs particuliers où vous faites doubler les quatre temps et les vigiles afin de profiter des jeûnes où vous obligez votre monde. L'autre que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie avec vous pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-là compte qu'une fois vous fit assigner le chat dans de vos voisins pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton. Celui-ci qu'on vous surprit une nuit en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise, on ne saurait aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous êtes la femme et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de lâche, de vilain, de fesse Mathieu. De fesse Mathieu. Vous êtes un chou, un maraud, un coquin, un impudent. Eh ben, ne l'avais-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Oh, je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler. À ce que je puis voir, maître Jacques, on paye mal votre franchise. Morbleu, monsieur le nouveau venu qui fait l'homme d'importance. Ça n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera et ne venez point rire des miens. Hein? Oh, monsieur maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Il file doux. Je veux faire le brave et s'il est assez sot pour me craindre, le frotter quelque peu. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi? Et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Eh, doucement. Comment doucement? Il ne me plaît pas, moi. De grâce. Vous êtes un impertinent. Monsieur maître Jacques. Il n'y a pas de monsieur maître Jacques pour un double. Si je prends un bâton, je vous rasserai d'importance. Comment? Un bâton. Et je parle pas de cela. Savez-vous bien, monsieur Lefa, que je suis homme à vous rosser vous-même. Aïe, je le sais bien. Que vous n'êtes pour tout potage qu'un faquin de cuisinier. Oh, je le sais bien. Et que vous ne me connaissez pas encore. Pardonnez-moi. Vous me rosserez, dites-vous? Je le disais en raillant. Et moi, je ne prends point de goût à votre raillerie. Ah, ouf, ouf. Apprenez que vous êtes un mauvais railleur. Peste soit la sincérité, c'est un mauvais métier. Désormais, j'y renonce et je ne veux plus dire vrai. Passons encore pour mon maître, il a quelque droit de me battre. Mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai. Et je puis. Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Ah, nous voilà pas mal.

Vous ne vous pouvez mettre en colère. Je la garde maintenant. Oh. Et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler. Début que je suis empêché qu'il revienne une autre fois. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je vous demande pardon. Je reviens tout à l'heure. Monsieur. Oh, je suis mort. Qu'est-ce, mon père? Vous êtes-vous fait mal? C'est de l'argent de mes débiteurs. Ils me feront le coup. Cela ne sera rien. Monsieur, je vous demande pardon. Je croyais bien faire d'accourir vite. Ici, bourreau. Vous dire que vos deux chevaux sont déférés. On les met promptement. Je m'arrête. En attendant qu'ils soient ferrés, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis et conduire madame dans le jardin où je ferai porter la collation. Valeur. Peu l'œil à tout cela. François, je te prie, m'en sauver le peu que tu pourras pour le renvoyer aux marchands de cétacés. Oh, fiche impertinent! As-tu envie de me ruiner? Rentrons ici, nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous personne de suspect. Et nous pouvons parler librement. Oui, madame. Mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour vous. Je sais les chagrins et les déplaisirs que sont capables de causer de pareilles traverses. Et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême que je m'intéresse à votre aventure. C'est une douce consolation que de voir dans ses intérêts une personne comme vous. Et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureuses gens l'un et l'autre de ne m'avoir point avant tout ceci averti de votre affaire. Je vous aurais sans doute détourné cette inquiétude et n'aurais point amené les choses où l'on voit qu'elles sont. Mais que veux-tu, c'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits. Point de pitié officieuse, point de secourable bonté, point d'affection agissante. Que ferais-je vous dire? Mettez-vous en ma place et voyez ce que je puis faire. Avisez et ordonnez vous-même, je m'en remets à vous. Mais je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur. Il a bien séance. Sous me réduisez-vous que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance. Mais que voulez-vous que je fasse? Quand je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé, j'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée dans une tendresse extrême et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle, employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez, je vous en donne la licence. Mais s'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Frosine. Ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir? Par ma foi, faut-il le demander? Je voudrais tout mon cœur. Vous savez que, de mon naturel, je suis assez humaine. Le ciel ne m'a point fait l'âme de bronze. Et je n'ai que trop de tendresse à rendre des petits services quand je vois des gens qui s'entraiment, en tout bien et en tout honneur. Que pourrions-nous faire à ceci?

ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Suivez-moi vite. Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je. Nous sommes bien. Comment? Voici votre affaire. Tout le jour. Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père. Que j'ai attrapé! Moi, tu fais? Vous aurez tout! Sauf à nous! Prends votre cri! Oh, malheur. Oh, malheur. Meurtrier. Justice. Justice. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui possède? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver ou courir? À ne pas courir! N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent! C'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis. Qui je suis? Hélas. Ah, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami, on m'a privé de toi. Puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, m'est impossible de vivre. En effet. Je ne peux plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? C'est personne. Il faut que ce soit qui a fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on était pieds là-bas et on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître. Fils, Sardon, je vais aller dire rien. La justice, il fait ordonner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui... De grâce, lancez de nouvelles de mon voleur. Je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous. Je me mets à rire. Vous verrez sans doute qu'ils ont peur au vol que l'on m'a fait. Charmant! Je récupère la justice. Allons, vite des commissaires, des archers, des préaux, des juges, des jeunes, des potences et des bourreaux. Je veux faire prendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. Laissez-moi faire, je sais mon métier, Dieu merci. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols. Et je voudrais avoir autant de sacs de 1 000 francs que j'ai fait pendre de personnes. Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main. Et si l'on ne me fait retrouver mon argent, je demanderai justice. De la justice. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette... 10 000 écus. Bien compté. 10 000 écus. 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a pas de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées sont plus en sûreté. En quelles espèces était cette somme? Pour Louis d'or, qui pisseule la bien trébuchante. Qui soupçonnez-vous de ce vol? Et je veux que vous arrêtiez prisonnier la ville et les faubourgs. Il faut... Si vous m'en croyez, n'effarouchez personne. Et tâchez doucement d'attraper quelques preuves afin de procéder après, par la rigueur, au recouvrement des deniers qui vous ont été pris. Je m'en vais revenir, qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on me lui fasse griller les pieds, qu'on me le mette dans l'eau bouillante et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé! Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer, je veux vous l'accommoder à ma fantaisie! Pas question de cela, et voilà monsieur qui vous parlez d'autre affaire! Ne vous épouvantez point. Je suis homme à ne vous point scandaliser et les choses iront dans la douceur. Monsieur est de votre souper? Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître. Ma foi, monsieur, je montrerai tout ce que je sais faire et je vous traiterai du mieux qu'il me sera possible. Et c'est pas là l'affaire. Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de monsieur notre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son économie. Traître, il s'agit d'autre chose que de souper et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin, je m'en vais te pendre. C'est une malheureuse. Je vois à sa mine qu'il est honnête homme et que sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne vous sera fait aucun mal et vous serez récompensé comme il faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent et il n'est pas que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant.

Mais là, comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai, et on me veut pendre pour mentir. Allons, Seigneur Harpagon, faut lui pardonner cette imposture. Eh, vous paierez donc le commissaire. Soit. Alors, vite faire part de notre joie à votre mère. Oh. Et moi, voir ma chère cassette.